Si tout se passe bien, en 2025 j'aurai plus de cœur. Ce qui m'a pas tué m'a pas rendu plus fort. J'aurai gagné le jour où j'aurai plus peur. Je vais chercher la vie, j'attends pas la mort. Je vois de la souffrance partout comme les gens qui mentent pour qu'on les voit meilleurs. On étale des paillettes pour cacher le goût de la demeure comme de la mayo. Pareil que c'est ça la vie d'adulte. Depuis que mûrir n'existe plus, je nage 50 mètres vers l'horizon pour pouvoir crier fils de pute. Elle sait plus ce qui la rendait triste. Depuis qu'elle est sous l'Oxapac, y'a des médecins qui niquent des vies, y'a des parents qui trouvent ça stable. J'aimerais bien savoir lire à travers les visages pour avoir l'impression de traverser des nuages. Je vais peut-être m'endormir dans un virage. Si je regardais dessus les grillages, je faisais histoire avec image, une vie avec mirage. Le ciel est triste, comme fond de la taille. Je l'ai déjà fait, je le sais, c'est plus facile de perdre. Je rattrape des vies, je rallume des spectres. Je l'ai déjà fait, je le sais, c'est plus facile de se perdre. Tertian, Tramadol, neuroleptique comme parasol. Xanax, Teralen, vis jamais mieux que dans les yeux des autres. Tertian, Tramadol, neuroleptique comme parasol. Xanax, Teralen, vis jamais mieux que dans les yeux des autres. Y'a des larmes et des fesses qui dansent sur mes joues. Parfois les deux en même temps. Souvent quand je pense à avant, avant quand je savais baiser mais en même temps. Maintenant j'ai le trac, maintenant j'ai peur. Bientôt d'être complètement seul. Plus je connais les gens et leurs histoires, plus je te mets complexe dans l'œuf. J'ai des gavas, on dirait des pizzas Carrefour à 30 balais. Wesh, donc je vais pas te dire que la gueule drôle c'est cool, même si ça m'arrive de wesh. Viens du 5-9, ici ça tousse comme si trop de monoxyde dans l'air. Cerveau bulle comme le Gézous, yeux brillent comme joaillerie d'Anvers. J'aimerais bien savoir lire à travers les visages pour avoir l'impression de traverser des nuages. Je vais peut-être m'endormir dans un virage. Si je regardais dessus les grillages, je faisais histoire avec image, une vie avec mirage. Le ciel est triste, comme fond de la taille. Je l'ai déjà fait, je le sais, c'est plus facile de perdre. Je rattrape des vies, je rallume des spectres. Je l'ai déjà fait, je le sais, c'est plus facile de se perdre. Tertian, Tramadol, neuroleptique comme parasol. Xanax, Teralen, vis jamais mieux que dans les yeux des autres. Tertian, Tramadol, neuroleptique comme parasol. Xanax, Teralen, vis jamais mieux que dans les yeux des autres. Le ciel est comme fond de la terre. J'ai déjà fait, je sais, c'est plus facile de perdre. J'rattrape les vies, j'rallume des spectres. J'ai déjà fait, je sais, c'est plus facile de se perdre. Le ciel est comme fond de la terre. J'ai déjà fait, je sais, c'est plus facile de perdre. J'rattrape des vies, j'rallume des spectres. J'ai déjà fait, je sais, c'est plus facile de se perdre.